tu me connais. Plus besoin de me présenter. Ça c'est pour l'album gratuit. Et il va s'appeler Pénèche. Tu sors rien de ta poche. Juste écouter t'es content. Partage-le à tes potos. Que je sois plus sur le côté. Tu kiffes les bails et lève les mains. C'est Dieu qui donne en faisant le bien. Moi ce que j'ai mérité. Faut pas rager, on connaît l'humain. T'es caché dans la zone. T'as craché dans la soupe. Tu fais des choupas choups. Et tu trouves pas ça chiant. Bref la mélo elle est bonne. Donc je vais la maintenir. Oui la buvette elle est bonne. Y'a que ça qui m'a tenu. Zénith le 30 octobre. Gros projet dans l'année. Nazaro met la bombe. Oui je sais que t'aimes bien. J'ai trop d'inspiration. Oh, oh. Maman est fière de ma mission. Oh, oh. Papa est fier de ma mission. Oh, oh. Donc je dois pas le décevoir. Oh, oh. La débauche, j'ai vu beaucoup m'imiter, limiter ils sont béton. Moi j'avance crescendo, toi tu craches dans mon dos. Et sur mon dos j'ai pris des coups, mais je suis resté debout. Beaucoup m'ont rabaissé, dingue j'ai pas fait le con. Bref je fume la patate, je pense à des bons mannequins. Et je me sens un Manhattan, pourtant moi j'ai déjà ma femme. Merde y'a plus de rhum, moi je vais boire des ruinards. Ça plaît pas à madame, donc je me barre à Medard. Merde, il y a plus de rhum, je crois que je vais boire du ruinard. Ça plaît pas à madame, j'ai trop d'inspiration. Oh, oh. Maman est fière de ma mission. Oh, oh. Papa est fier de ma mission. Oh, oh. Donc je dois pas les décevoir. Oh, oh. Partout sur WhatsApp, sur le 3310, ce que tu veux, c'est gratuit, c'est Benef. Et non, Zeda. Charlie, la preuve ne t'appartient pas. Oh my god. Posé dans le club, c'est la débauche. L'ambiance est joviale, même si t'as rien dans les poches. Qu'il est temps de faire des tales pour l'été. Ton équipe est gamin en vrai. Je ne sais plus quoi faire, c'est vrai que t'es jolie, je perds le contrôle. s'il te plaît. Non, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Là, on est bien. On va nous déranger. C'est la merde dans la tête, des échos dans le rire. J'suis pas top, j'suis au top quand je fume la rire. Sous la jump, y'a le pont, si tu touches les miens. C'est de la trappe, et mon pote, mais je danse les miens. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger. Les plaquettes hypothéquées, transactions pas dans les temps. Tu fais tout au sous-sol, s'associe au suceur, on le sait. T'es la cible sans cesse, les soucis, c'est la merde, on le sait. Non, je n'ai plus ton temps, là j'ai les gros montants. Projets sur la liste d'attente, j'ai 4 albums d'avant. Et comme je les mets d'abord, ils ont redemandé. Et même quand je suis en tort, je te dis baisse d'un ton. L'essence est essentielle. Je plane, je frôle même le ciel. Je te mets des claques, appelle-moi tonton. Appelle ta BIA, moi j'ai pas ton temps. C'est la merde dans la tête, des échos dans le rire. J'suis pop top, j'suis au top quand je fume la rire. Sous la jump, y'a le pop si tu touches les miens. C'est de la trappe, fais mon pote, mais je danse le mien. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Enchanté, ravi, mais t'es pas la famille. Et pour tous mes ennemis, majeur en l'air, je leur donne zéro. Je sais qu'ils sont tous tapis, majeur en l'air, je leur donne zéro. Si y'a bataille, ce soir y'a tous mes potes. On change la donne, six buts, je mets d'accord. Et dans le viseur, feu rouge, c'est la fin. À qui la faute, tu liquides la bonne. Colombie, Brésil, tu dis le mon fou. Commanderie, écraille, comment je kiffe mon wood. Ils chantent la street, mais ce ne sont que des musiciens. Manque de pont béton, je saigne, je suis immunisé. Merde alors, c'est la merde dans la tête, des échos dans le rire. Je suis pas top, je suis au top quand je fume la rire. Sous la jump, y'a le pont, si tu touches les miens. C'est de la trappe, et mon pote, mais je danse le mien. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Et non, Veda, tu connais le nez. Ouais, c'est bon. Bye bye. Bye. Salomon sur le 20h. Oh les mains, c'est le rappeur. Je fais la une sur le 20h. Là, c'est bon. 3 albums sous le moteur. Il y a 5 ans, je rappais même pas. Tellement rapport. Maintenant je reçois des invités de l'émir du Qatar. On les a douillé, douillé. On les a douillé, douillé. On les a douillé, douillé. On les a douillé, douillé. Valérien, je fais l'ancien. J'ai des couilles de martien. À Tenerife sont mes refs, c'est la vie, c'est la rue, c'est les risques pour la pote. Nous les douilles, on les aime, on les met, on les nie. Si tu sais, c'est la bagarre. Sans limite, t'as connu, c'est la razzia. Merde, t'as mal à la poche parce que ton four il est éteint. Cher, et sur le rein, t'es la drogue, c'est les petits qui gèrent. Tu tiens même plus debout, tu fais pas peur, t'es qu'un gogol. Et comme t'es pas du quartier, pour toi la plaquette est chère. Tu es tout seul dans ta jalousie. Le cœur est gris dans ta jalousie. T'as plus d'argent dans ta jalousie. Tu vis maintenant dans ta jalousie. On les a douillé, douillé. On les a douillé, douillé. On les a douillé, douillé. On les a douillé, douillé. On se connaît pas mais on s'aime. Femme tes leçons c'est la même. Merde. On s'aimera, s'aimera tous ensemble. Cinéma c'est mon cœur qui pleure. J'entends trop qu'on veut ma peau. Merci, merci maman, pour mon biberon. Depuis l'école élémentaire, nous on connaît le feu, donc ici sujet tabou. Personne me fait peur, appelle-moi si tu as sujet tabou. Personne me fait peur, appelle-moi si tu as sujet tabou. Tu es tout seul dans ta jalousie. Le cœur est gris dans ta jalousie. T'as plus d'argent dans ta jalousie. Tu vis maintenant dans ta jalousie. On les a douillés, douillés. Y'a l'enquête sur la fête, y'a l'enquête. détergent butin. Arriba, arriba, moi j'ai clipé en survêtien. Arriba, arriba, m'en bat les couilles du game. Arriba, arriba, dans mon sac y'a du besoin. Arriba, arriba, ben ouais j'me la raconte. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Quand t'es un bébé tu chies dans ta culotte. Et quand y'a bagarre toi tu veux que c'est pareil. Ta vie c'est pleurer, tu fais que de râler. On sait que de relou, on fait juste ta maman. Tu fais ça, mais on te voit sa mère. Tu fais tomber par ta go. Veux cristalliser. Diamant platiné, pas défaut. J'ai analysé. Tes ventes sont plutôt décevantes. Pareil que l'assassin te répond plus ces derniers temps. Tous les jours tu nous parles de clopes et de money. Maniero. J'ai des paquets de clopes et des gosses silicone. Maniero. Si je te connais pas, dis-moi si je te connais. Maniero. Tu n'es pas sur terre, tu n'es qu'un nouveau-né. Maniero. Tu fais si tu fais ça, mais on te voit sa mère. Tu peux grandir trop vite, mais tu restes un gamin. Tu fais le point des uns, tu peux pas les baliser. Si je suis dans les magasins, ta go va dévaliser. Toi qui bégayes comme un bébé. Toi qui pleures le matin comme un bébé. Toi qui chies dans ta cou comme un bébé. Là tu n'as plus les mots comme un bébé. Elles font ton bonheur, on te connaît. Tout le monde sait que t'es déjà dedans. Chaud à chaud. C'est inconnu, c'est déjà bébé. Chaud à chaud. Tu n'en connais même pas, t'es déjà tombé. Chaud à chaud. On t'a grillé, c'est bien. Le garçon là-bas, chaud la peine. Tu peux pas vesqui, chaud la peine. Les mains sur le corps, chaud la peine. Tu n'es pas bourré, chaud la peine. Le garçon là-bas, chaud la peine. Tu peux pas vesqui, chaud la peine. C'est déjà bébé, chaud la peine. Tu n'es pas bourré, chaud la peine. Merde, t'es plus validé, t'as que des sales idées. Tu kiffes les allumeuses, toi t'es qu'un animal. Tu fais honte à ta mère, là tu n'as plus les mots. T'as sombré dans le rhum, merde alors. T'aimes les boules, sur Insta. En DM tu réponds, à l'instant. On sait que tu likes par instinct. Amigo, amigo, t'es grave insta. Espèce de chaud lapin, ici fais pas la star. C'est pour tout le monde, t'as rodable, ici fais pas la star. Tu pleures, personne veut t'approcher. Personne veut t'approcher. Bobo, ton cœur est bien touché. Tout le monde sait que t'es déjà dedans. Chaud à chaud. C'est inconnu, c'est déjà bébé. Chaud à chaud. Tu n'en connais même pas, t'es déjà tombé. Chaud à chaud. On t'a grillé, c'est bien. Le garçon là-bas, chaud la peine. Tu peux pas vesqui, chaud la peine. Les mains sur le corps, chaud la peine. Tu n'es pas bourré, chaud la peine. Le garçon là-bas, chaud la peine. Tu peux pas vesqui, chaud la peine. C'est déjà bébé, chaud la peine. Tu n'es pas bourré, chaud la peine. l'affaire. Ça t'abuse de ouf, c'est une dingue. Si tu continues, tu vas regretter. Comment je crois qu'on est obligé de rouler On va chercher, voilà billet qu'on va le chercher. Ne t'inquiète pas, voilà les billets qu'on va le chercher. Et l'argent n'est pas rentré, donc on m'a pas payé. Et l'argent n'est pas rentré, donc on m'a pas payé. T'es plus sûr de toi quand y'a le brolic devant toi. Et si tu fais un pas avec la cachette, on t'éteint. Là c'est comment, ramène le cash et nous on t'éteint. Là c'est comment, ramène le cash et nous on t'éteint. On t'éteint, y'a plus le temps, ça sent la terre, je suis que dedans. On t'éteint, y'a plus le temps, ça sent la terre, je suis que dedans. Donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent. J'avale la jacu sec. Le joint ne fait pas tousser, donc je me languis tout seul. J'ai percé, ouais c'est bon, NASA prend même plus le quart. Que de l'eau dans mon flash, c'est la seule chose qui m'écœure. Mérité, c'est nickel, cet été, c'est gâté. Sol renté, le paquet, cette année, c'est réel. Mérité, c'est nickel, cet été. c'est gâté. Sur le renté, le paquet cette année, c'est réel. Oh oh oh oh, là t'as l'air indécis. Oh oh oh oh, car c'est moi qui décide. Oh oh oh oh, là t'as l'air indécis. Oh oh oh oh, car c'est moi qui décide. J'suis dans le check, c'est je m'en bats les reins. J'suis dans le check, baby y'a pas de retard. J'suis dans le check, j'ai pas mis de balle main. J'suis dans le check comme les types, j'suis un requin. Oui je m'en bats les couilles comme tu t'en bats les couilles. Oui je m'en bats les couilles comme tu t'en bats les couilles. Oui je m'en bats les couilles comme tu t'en bats les couilles. Oui je m'en bats les couilles, mais est-ce que toi t'as des couilles? J'ai un sale caractère, pourtant je fais pas de karaté. Griezmann pas Morata, devant le but je peux pas rater. Je peux danser le soir et manger les matins. Et quand tu prends ton thé, moi j'ai mangé les matins. Ça c'est la loi, viens danser dans mes concerts. Je suis le meilleur, ça c'est ce qui me concerne. Y'a trop d'amateurs, finiront sur le côté. Y'a trop de rappeurs qui pointent tous au Pôle emploi. Oh oh oh oh, là t'as l'air indécis. Oh oh oh oh, car c'est moi qui décide. Oh oh oh oh, là t'as l'air indécis. Oh oh oh oh, car c'est moi qui décide. J'suis dans le check, c'est je m'en bats les reins. J'suis dans le check, baby y'a pas de retard. J'suis dans le check, j'ai pas mis de balle main. J'suis dans le check, comme les types, j'suis un requin. Oui je m'en bats les couilles, comme tu t'en bats les couilles. Oui je m'en bats les couilles, comme tu t'en bats les couilles. Oui je m'en bats les couilles, comme tu t'en bats les couilles. Oui je m'en bats les couilles, mais est-ce que toi t'as des couilles? Pour le showcase, ralasse. Nous on veut le bénéf. Nous on veut le bénéf. Eh non, Zeda, tu connais le name. Ouais. J'ai le charisme de papa. Mental et beauté de maman. Tu parles, tu fais que saliver. T'es même devenu dromadaire. Ces jours, viens, j'ai noyé ma peine. Cet été, ça pète à Marrakech. Fini la S, les marécages. Laissez-moi souffler, j'ai mal à la tête. Tu parles sur les gens, commentaires sur le net. Ça, c'est pas bon, t'es vraiment malhonnête. Oh, oh, oh, pourquoi tu fais ça? Oh, oh, oh, tu es un menteur. Quand c'est blessé sur mon dos, m'en fous, je roule en lambeau. T'es vraiment malade, t'as rien, tu fais la malade. Ce n'est pas ta rêve, t'es vraiment ta rêve. Il faudrait que t'arrêtes de beaucoup parler. Biggie, tourne-moi ça, car là y'a trop d'ennemis qui font semblant aujourd'hui, mais qui quittent nos mélodies. Ouais, c'est bon, pourquoi tu fais ça? les jeux. Haram, salam. Quand y'avait drap, y'avait personne au rendez-vous. C'est tous des chemins qui font les durs, c'est pas des fous. Quand y'avait drap, y'avait personne au rendez-vous. C'est tous des chemins qui font les durs, c'est pas des fous. Nous on les baise, on a rien dans la tête. Posé dans le check, ça fait check dans la piste. Même quand j'ai tort, je sais pas me taire. Si tu dois des sous d'eau, je viens je tire. Moi on me craint parce que j'ai des couilles. J'suis pas dans la crise et j'fais pas les trous. La garantie, c'est balle dans la tête. Tu connais l'équipe, on parle pas la tête. Et rapper ça, je sais faire. Mais la faux rapporte les sous. Et rapper ça, je sais faire. Donc moi je mélange les deux. Et rapper, moi je sais faire. Nasa, toi t'aimes trop la fraude. J'aime trop, je pense au bout. Faut pas dire pardon pendant qu'on tienne. J'rappe comme un patron, c'est pas la même peine. Sortez les canons, prêt pour le charbon. J'rappe comme un daron, j'ai pas la vingtaine. Bon maillet go, on va fermer des gueules. Qu'on les flow même dans la dégaine. J'rappe pas des Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Vas-y, c'est mieux si on prenne ton morceau. Ceux qui ne se croisent pas sont les montagnes. Ceux-là sur le manteau, à vie montagne. Je suis pas un menteur, je suis devenu mentor. Moi je mets des m'battants, rien ne m'atteint. Quand y'avait drap, y'avait personne au rendez-vous. C'est tous des chemins qui font les durs, c'est pas des fous. Quand y'avait drap, y'avait personne au rendez-vous. C'est tous des chemins qui font les durs, c'est pas des fous. Quand j'étais dans la misère, que Black t'es au rendez-vous. Quand j'étais dans la misère, la débauche au rendez-vous. Mon bébé m'a dit je t'aime, pas des rendez-vous. Mon bébé m'a dit je t'aime, pas des rendez-vous. Laisse ces histoires de bébé là. C'est moi qui fais des hits, c'est moi qui passe en radio mon ref. Je suis femme du truc, écoute. Les amours, je fais des hits, nous des numéros. Non, toi et moi j'ai plus des frites. On connaît bien le boulot. Et qu'on était dans le flux, personne misait un euro. Maintenant les maisons de disques nous veulent tous dans leur bureau. Nous on les pèse, on fait trop la kiff. Tout dans l'attaque, pas trop dans la def. Pendant la teuf, pas de la danse. On mène à la danse pendant qu'ils se défont. Quand te ken ken grrta, ton cul le tam tam grrta. Pas le bang bang bang, maman les gring gring. Ça pue dessous, toi t'es en retard. Quand y'avait drap, y'avait personne au rendez-vous. C'est tous des chemins qui font les durs, c'est pas des fous. Quand y'avait drap, y'avait personne au rendez-vous. C'est tous des chemins qui font les durs, c'est pas des fous. Mais Mimi, là c'est de la trappe. Ah ouais, tu veux faire ton couplet? Ah vas-y. Du soir au matin, nous on veut la paix. Toi tu veux manger dans mon pain.